Quand tu t'isoles, le meilleur pépé fut à côté. Tu t'isoles. T'envoies quelqu'un au magasin chercher ton pain pour que tu te fasses écraser. C'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose pareil, même si tu veux t'isoler. Il y a toujours quelque chose pareil. Tu fais attention. Tu fais bien attention. Tu fais attention de plus en plus. Tu deviens névrosé, complètement. Moi, je suis totalement névrosé. Complètement vigilant. Mais c'est de la souffrance qui nous amène à la vigilance. Comment qu'on voudrait être vigilant, ils vont vous poigner balai. C'est une vibration, la vigilance. Tu fais attention à maudit. C'est ça que je dis, éventuellement, tu te mets de l'ordre dans ta vie. Tu as tellement d'ordre dans ta vie que tu peux plus souffrir. Dans le fond, la souffrance de l'homme, c'est le fait qu'il n'y a pas d'ordre dans sa vie. S'il y avait de l'ordre dans sa vie, il ne souffrirait pas. Et ça fait du bien. Ah, ben, tiens-toi pas. C'est toi qui as cherché la conscience. Tu l'as. À la gamme. Hey, des fois, dans les cheveux, quand tu dis, tu joues mal, tu peux dire voilà. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Non, ouais. Il n'est pas grave. Des jobs, comme on fait d'abord, un année au propriétaire. Ça va être bien. Quand ça sera le temps? En attendant, faites-les. Faites bien. Quand vous serez pas assez grand, ça sera trop tough, puis vous serez pas assez bien. Vous sacrez les oeufs. Quand t'es pas attaché à la pomme, t'as sacré. Quand tu fais le saut, moi, la vie, à un moment donné, tu fasses tout ça, puis tu fais des jumps, c'est-tu la systématique? C'est nerveux aussi. Quelqu'un qui était pas comme ça, puis à un moment donné, le moindre bruit fait un jump, ben s'il m'a crié, ben. C'est parce que le système nerveux devient un petit peu plus réactif. Parce que. Éventuellement, oui. Mais c'est normal que le système nerveux se développe parce que l'énergisation de l'homme des sens, ça nous rend comme des cordes de raide. On devient des violons. Si ça s'amplifie, à un moment donné, tu t'as coché, tu ne sors plus parce que. Non, moi, je suis dit tout le monde. Il y a quelqu'un qui vient de porter ton pain à ce moment-là. C'est une grosse idée. C'est une grosse idée. Ouais, mais t'as-tu l'argent pour acheter? Quand t'es intelligent, t'as la volonté, t'as tout l'argent. Quand t'es stupide puis spirituel, tu n'as pas de maudit sang. Quand tu as de la volonté d'intelligence, tu as tout ce que tu as besoin pour vivre. Tu deviens créatif, tu fonctionnes. Pourquoi tu développes des talents? Tu ne vas pas te faire tomber là-dessus. On est bourré de talents. On est bourré de talents, mais on ne réalise pas qu'on n'en a pas. Ben. Un gars qui est ingénieur depuis des années de temps, qui est bloqué d'une carrière, il ne pense pas qu'il y a d'autres talents, mais il y en a d'autres talents. Tu devrais être comme plombier. Il ne faut pas qu'il y ait d'égo. La conscience, pas le fun. Tant qu'on est conscient. Tant qu'on n'est pas conscient. Quand on est conscient, là, ça commence à être le fun parce que tu ne fais plus taper les pieds. T'es bien. Ah, c'est ça, je te dis, je ne suis pas pour te passer à la mienne. Mais c'est réellement effrayant comment est-ce qu'on s'est fait jouer. Ah. C'est un épouvantail. Puis on se compte des salades. On se salit de nous autres. On s'effraie. C'est pour ça qu'éventuellement, tu n'as pas le choix que de devenir en maudit. Ça, c'est nouveau pour les gens. T'sais. Le concept de l'idée de devenir en maudit, c'est nouveau pour eux autres. Parce qu'on est supposé être tous des petits minous, des petits toutous. Tu es spirituel, tu n'es pas supposé être venu en maudit. L'éducation, ouais. L'éducation, on n'est pas habitué à ça. Puis les grands maîtres, ils nous disent pas ça dans les livres, que tu te rebelles contre le lien. Hey, les livres se vendent à la pointe, les gens pensent à tout sa magie noire. T'es supposé être tolérant. Tu es supposé être traité d'homme. L'involution. Les gens ne réalisent pas que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit à l'homme par les maîtres, toute la secte, ça fait partie de l'involution pour la progression de l'humanité.

Là, il est venu, il est dans l'annonce, on s'est vu, on a pris un petit café, puis j'ai dit, pour le moment, peut-être qu'on est allé à Saint-Sauveur, je t'ai amené à Saint-Sauveur. Puis il voulait pas aller à Saint-Sauveur. Je lui ai dit, on va faire un petit tour à Saint-Sauveur. Puis j'ai dit, ce que tu devrais faire, c'est au moins, pour le moment, déménager dans le nord, prends ça, tu peux regarder les terrains, lentement, papapap. Là, finalement, 2-3 semaines après, c'est ça qui est arrivé. Il a fait des mouvements, puis il est rendu qu'il vient à Saint-Sauveur, puis il s'est loué l'appartement à Saint-Sauveur. Là, ça marche, tout son affaire à tomber. Fait qu'il a pas fait ce qu'il voulait. C'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait s'acheter une maison. C'est pas le temps. Il y a une maison pour lui quelque part, dans le temps, dans des conditions. Rien d'entendant, mais là. Pas s'étouffer à la dernière minute. C'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on doit faire. Ça, c'est une maudite science, savoir ça. Quand tu fais ce que tu dois faire, Charlie, tu fais ce que tu veux. Mais c'est subtil, la différence entre faire ce que tu dois faire et faire ce que tu veux. Pour comprendre ça, faut se péter à la gueule. Faire ce qu'on doit faire aussi à ce moment-là, c'est les situations qu'on passe. Pas rentrer. Ouais. Vous l'avez toujours dit, vous ne connaîtrez jamais l'avenir précis d'un mouvement que vous devez faire dans un avenir approché. Vous allez savoir que c'est dans une direction. Davio, il savait que ça allait dans le nord, il y avait la vibration. Mais il y a une marge entre aller dans le nord et faire ce qu'il veut dans le nord. Fait qu'il fait ce qu'il doit faire. Bon, s'il est conscient, le bonhomme, à ce moment-là, il s'aperçoit que ce qu'il doit faire, ça coïncide avec ce qu'il veut faire pour le moment. Mais c'est pas ce qu'il veut faire complètement. Là, il y a encore la petite tension. Mais ça, c'est encore l'énergie qui va l'amener à faire d'autres mouvements. Au moins, il sort de Montréal devant le nord et la paix. C'est vraiment ça qu'on doit faire, il faut créer justement des situations pour que ça se fasse comme ça. Il écrit tout le temps une situation. Il écrit tout le temps, la vie ne nous appartient pas. Il écrit tout le temps, depuis qu'il est au monde, il écrit une situation. Mais c'est un moyen de dire ça pour pas que ce soit fatigant quand on est dans une heure. Oh, pas chiant. Il n'y a pas moyen d'avoir des prix là, je ne sais pas. Vous faites mourir, ça. On a qu'une vie. On n'a pas qu'une. On est chanceux si on a la dernière. On est chanceux, mais on a pris. Si tu vis une vie comme du monde, dégueulasse. Dans le but. T'es tout témoin d'autre, oui. Ah. Toi, tu t'adores la pilule. Mais tu t'en viens. Mais tu es là. T'avances, tu recules, t'avances, tu recules, t'avances. Tu vas sideways des fois. Sideways. Mais t'avances. Émotion. Ben, je vais rien faire. Attends. Ben, je comprends. Quand tu fais ce qui te plaît quand ça te plaît, tu bouilles ton lait quand ça te plaît, c'est parce que tu le lait sur la table. Et quand tu n'as pas sur la table, c'est un autre élément. Quand tu as de l'argent en banque, tu vas l'enfermer, tu y vas. Ouais. Quand tu as de l'argent en banque, mais quand tu n'as pas d'argent en banque, tu viens dire, c'est un autre élément. Hein? Tu peux pas y aller en avion, tu vas sur le pouce. Si la vibration est assez forte, tu vas y aller sur le pouce. Mais c'est pas de même que tu veux y aller, tu veux y aller en avion. Faut que t'attends. Tu m'as dit, faut que l'intelligence vienne, que la volonté vienne, whatever. On a rien à faire à part de On a rien à faire, point final. Tu vois, là, la subtilité dans ton esprit. Ah ouais. Watch ça, celle-là. Parce qu'il y a une partie de toi qui va faire quelque chose. Il y a une partie de toi qui veut s'améliorer. Il y a une partie de toi qui va faire quelque chose, tu s'améliorer. Ils vont te mettre à l'aise. Garanti. Quand ils me disent, on doit souffrir la lumière. Ça veut dire qu'on doit souffrir sa pénétration, développer les corps pour l'absorber puis souffrir la lumière. Puis à ce moment-là, s'en servir. Mais il faut qu'on la souffre la lumière, tu sais, à ce moment-là. C'est toi que l'initiation solaire, c'est pas un cadeau, puis les gens savent pas que c'est pas un cadeau, puis les gens pensent que c'est un cadeau. C'est pas un cadeau, l'initiation solaire. C'est un cadeau après, quand tu l'as fini, là, c'est un cadeau. C'est un maudit prix à payer. Dans la fois, il y a des gens qui sont plus faciles que d'autres, mais aussi. Parce qu'il y en a qui sont plus évolués que d'autres.